Hola, la música, programa amb Rafael Corbí a partir d'aquests moments. Ha estat la primera de les cançons que escoltem amb el programa d'avui. Avui un programa eclèctic amb molta gent en diversa que ens portarà la seva música des de moltes generacions diferents amb un comú denominador que és en la música cantada en francès. J'écoute de la musique soul des de François Hardy qui ens portava aquesta cançó que acabem d'escoltar, però en els propers minuts tindrem el plaer de sentir a Bàrbara, a Mistinguet, a Adamo, a Marie José, a Sylvie Bertin o a Leo Ferrer aquí a Hola la Música. Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Au creux des reins. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qui. Promener de rive en rive, le rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie. les mêmes adresses que les autres women. Elle possède à ravir la manière de s'en servir. Elle a perfectionné la façon de donner. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retrousse les moqueurs, les yeux toujours riants. Tous ceux qui la connaissent, grisés par ses caresses, s'en vont et reviennent toujours. Paris, à ton amour, ça c'est Paris. Et quoi qu'on dise, tout s'oublie. Même les départs qui chavirent une vie. Chacun sa route, droit devant. Même si par instant, je m'attarde au tournant. Et j'ai rencontré la solitude. On s'est aimé, on ne s'est plus quitté. Mais quand le printemps revient, ça me fait quelque chose. Comme si la vie se réveillait en moi. Ça me fait mal, ça me fait du bien. Chaque rose refleurit en souvenir de toi. Je profite des choses que je voyais pas avant. Un chien qui passe, un arbre mort, un enfant qui joue, un clochard qui dort. Et je vire du noir au gris, je vais beaucoup mieux. Siècle encore, et je verrai du bleu. Mais quand le printemps revient, ça me fait quelque chose. Comme si la vie se réveillait en moi. Ça me fait mal, ça me fait du bien. De voir chaque rose refleurir en souvenir. Voilà. Així hem escoltat aquests protagonistes amb aquest cantautor italo-belga com el darrer, nascut el 1943, en Salvatore Adamo. Abans, Miss Tinguette ens aportava l'ahir des de la música francesa el 1927, el nom artístic de Jean Vourgo, que havia nascut el 1875 i va morir el 1956, la vedet cantant i actriu francesa. I abans també la Bàrbara, cantant i compositora francesa, nascuda com a Mònica André Cerf el 1930 a París i que ens va deixar el 1997. Després d'ells, Marie-José amb el Paradís perdut i també Sylvie Vartan amb la Maritza. Pas avoir comme mon pauvre cœur est lourd. Pourtant je le sens ce soir, l'amour n'interdit pas l'amour. Le jeu recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore mon tour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu, tendre d'espoir, bouquet d'un soir, dont le parfum n'a plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu. Esteu escoltant Hola La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Thank you. et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La la. Pas qu'on te foute un sac sur les ormeaux, prends ton callback, un vieux rafio, et allégro demande au vent de pousser au cul du bâtiment. Si tu ne veux pas, les enfants de la patrie, si tu ne veux pas qu'ils poussent des glands à ton képi, si tu ne veux pas, c'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire, t'as beau faire du plat avec ton rataplat. Miss Guéguerre, niquons guerre, j'm'appelle Robinson, sacré nom de nom. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. À la pêche, à la pêche. Si tu ne veux pas qu'on te foute un flingue dans les dix doigts, sois pas si dingue, histon, va voir. Et puis crois-moi, demande à ceux qu'on bien voulu s'ils sont revenus. Si tu ne veux pas que le fossoyeur te mette au rencard, si tu ne veux pas qu'il pousse des fleurs sur ton plumard, si tu ne veux pas, c'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire, t'as beau me faire du plat avec ton rataplat. Miss Guéguerre, niquons de guerre, je m'appelle Robinson, sacré nom de nom. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. À la pêche, à la pêche. Si tu ne veux pas qu'on te foute une croix sur ton buffet, si tu ne veux pas qu'on parle de toi au temps passé, si tu ne veux pas qu'on fasse des mômes à ta moitié pendant que là-bas t'es comme une paume à te mesurer, si tu ne veux pas qu'il pousse l'atome dans ton quartier, si tu ne veux pas, c'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire, t'as beau me faire du plat avec ton rataplat. Miss Guéguerre, t'exagères, un jour nous irons, sacré nom de nom. Ah, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons à la chasse, à la chasse. Il s'éveille à l'heure du berger pour se lever à l'heure du thé et sortir à l'heure de plus rien, les paumés du petit matin. Elles, elles ont l'arrogance des filles qui ont de la poitrine. Eux, ils ont cette assurance des hommes dont on devine que le papa a eu de la chance. Les paumés du petit matin. Venez danser, oh, copain, copain, copain, copain, copain, copain. Venez danser, ça danse les yeux dans les seins. Ils blanchissent leur nuit au lavoir des mélancolies, qui lavent sans salir les mains, les paumés du petit matin. Ils se racontent à minuit les poèmes qu'ils n'ont pas lus, les romans qu'ils n'ont pas écrit, les amours qu'ils n'ont pas vécu, les vérités qui ne servent à rien, les paumés du petit matin. Venez danser, oh, copain, copain, copain, copain, copain, copain. Venez danser, ça danse les yeux dans les seins. L'amour leur déchire le foie. Ah, ah, c'était, c'était si bien. C'était, oh, vous ne comprendriez pas, les paumés du petit matin. Ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent le dernier whisky, ils prennent le dernier tango. Ils prennent le dernier chagrin, les paumés du petit matin. Venez pleurer, copain, copain, copain, allez, allez, venez, venez, allez, venez pleurer. Se pleurent les yeux dans les seins. Petit matin. Ça faisait si longtemps que je n'entendais plus ta voix. Ça faisait si longtemps, dis, comment ça va? J'ai pensé à toi bien souvent, mais je n'osais t'appeler. Je croyais que tu m'en voulais, que tu m'avais oublié. Je viens dîner ce soir, qui va t'en moi? Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais. J'aurais trop de mal à ne pas t'embrasser. Oui, je viens dîner ce soir, plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, je serai là à l'heure. J'aurais tant de choses à te dire, avant même le temps d'un sourire. je serai devant la porte de ma maison. Ça faisait si longtemps que je ne me dépêchais plus. J'ai quitté le bureau, me voilà dans les rues. Je me suis encore mal garé pour t'acheter des fleurs. Les roses rouges que tu aimais, tu vois, je n'ai pas oublié. Je viens dîner ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais. Et j'aurais trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, et je serai là à l'heure. J'aurai tant de choses à te dire, qu'avant même le temps d'un sourire, je serai devant la porte de la maison. Oui, je viens dîner ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais. Et j'aurai trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé. Clau Françó, amb aquesta cançó que també ens acompanyava, era un dels seus temes a càrrec d'aquest cantant que va néixer a Egipte. Abans Jacques Brel, el gran inconfusible Jacques Brel, i també Leo Ferrer, amb aquest espai del dia d'avui de Hola la Música, un espai, com us hem comentat, eclèctic, amb molts artistes i tradicions musicals diferents i sobretot generacions molt diferents. Qui serà a continuació que ens acompanyarà? Frida Bocara. I després també escoltarem Ray Ventura i els seus col·legials, els seus col·legians, es deia aquest grup que ens aportava. Una cançó, la de Frida Bocara, des del 1969, i l'altra des del 1938, usualment no posem música tan antiga amb el nostre programa, però avui ens ve de gust d'escoltar algun d'aquests temes, ja ho hem fet abans, i encara més vells, i avui doncs tenim aquesta oportunitat amb Ray Ventura. Regard et main. és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Un nez, deux yeux et deux oreilles, malgré de petites différences, au fond on est bien tous pareils. On a son petit cœur qui bat comme tout le monde, on soupire souvent tout bas comme tout le monde. Par l'amour on est mordu comme tout le monde. 15 jours après, on n'y pense déjà plus comme tout le monde. On a les mêmes coutumes, les mêmes désirs, les mêmes goûts. On met les mêmes costumes et même les mêmes dessous. On a un beau pyjama comme tout le monde. Des caleçons en des nanas chemise coquette comme tout le monde. Et puis aussi des trous à ses chaussettes comme tout le monde. Depuis la plus petite enfance, on est poli et bien élevé. D'ailleurs, paraît que c'est en France que les gens sont les plus réservés. On minot des longs plastrones comme tout le monde. On dit, je vous en prie, baronne, comme tout le monde. On s'exprime qu'à mi-voix comme tout le monde. Et l'on crie mince en se pinçant les doigts comme tout le monde. Sitôt que l'on est malade, au même soin l'on est soumis. Chez soi l'on se barricade par crainte des épidémies. Oh, on prend des tas de précautions comme tout le monde. Des potions, des infusions comme tout le monde. On s'envoie de la quintoline comme tout le monde. Finalement on attrape la scarlatine comme tout le monde. Lettre à mes peurs, je vous quitte. À mes pleurs, je vous laisse dans la fureur de vos stress. Mais là je meurs, si je reste, je perds le fil, je perds l'ivresse légère et fine de vos tendresses, de nos victoires, de la vie qui caresse. Quand on se marre, je sonne la trêve. Dans une main les rêves, dans l'autre les espoirs. Je pars, j'abandonne ma douleur. Quand j'explore, je respire, j'abandonne ma douleur. Quand j'explore, je respire. Je vais pas préparer, je vais pas planifier, je ne vais pas savoir, je vais juste essayer de vivre sans prévoir ce qu'on sera demain, car j'ai du mal à croire que l'on vivra serein. Attends se projeter, à oublier maintenant, et j'en ai bien laissé des plumes trop souvent. Je sonne la trêve, dans une main les rêves, dans l'autre les espoirs. Je pars, j'abandonne, oh, ma douleur. Quand j'explore, je respire, j'abandonne, oh, ma douleur. Quand j'explore, je respire. Hola La Music, amb Rafael Corbí. Plein d'oiseaux et de fleurs, et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur, chantent les souvenirs, chantent ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de Florence chante le ciel léger de mon beau. Parfois loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, ouvre béni des premières saisons. Mes vingt années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, pleins d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chantent les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais me finir. Et comme les bergers des montagnes de France, chante le ciel léger de mon beau pays. Va, aquest programa del dia d'avui espero que sigui del vostre agrat, perquè ens estem acostant ja cap al final. Que hem d'escoltar la música de Jeremy Fragot amb una de les seves cançons també entre nosaltres, i també el tema de Charles Trenet amb René Saint Paul Choir amb una de les seves fantàstiques cançons en els meus dies més joves, amb els meus anys joves. Daniel Lavoie també ens acompanyarà, que cantant franco-canadenc nascut el 1949 amb La nit crida victòria, i després música més moderna amb Soan, amb A Côté. Doncs res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Acaba aquí el nostre programa per al dia d'aquesta setmana, per aquesta setmana, i ho fa amb la música de Soan, com us comentàvem. Ha estat realment un plaer acompanyar-vos una setmana més avui amb un programa, com ja hem dit al començament, d'aquests eclèctics, en el qual donem veu a diferents protagonistes de diferents etapes de la música cantada en francès. A Côté, des del 2016, és la cançó de Soan, i nosaltres que estarem aquí properament amb una altra edició, amb un altre episodi d'Hola la Música. Salutacions de Rafael Corbí, a reveure. Je l'avoue, j'ai pas tout saisi aux demoiselles, et pour un sou je ne suis dans le coup près d'elle. Des fleurs et des plumes, oui, mais cela n'y fait rien, puisque chacun ses coutumes et Casanova le sait bien. Je suis, je le présume, à l'approcher du pas grand chose, et même mes choix de costumes sont comme ces mots que je n'ose. Puisque mime veut sur moi, elle m'a